Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. En l'honneur de la Saint-Valentin, Super Fail se penche sur le fail amoureux, la catastrophe romantique, bref, le ratage de couple. Alors, l'histoire d'amour, généralement, elle débute ainsi. Je veux vivre. Je veux être heureux. Je veux que la vie change. Je veux te voir chaque matin. Je t'aime. Et ça se termine comme ça. J'en ai marre, je veux plus te voir. T'entends, je veux plus te voir, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de ta sale tête. Je peux plus te supporter, je t'aime plus. J'ai toujours su que jamais je pourrais vivre avec toi. C'est fini. Tu m'aimes plus. Je te reverrai plus. Non, c'est fini. Eva Ilouz, vous êtes professeure à l'Université hébraïque de Jérusalem, directrice d'études à l'EHESS. Vous avez notamment écrit « Pourquoi l'amour fait mal et les sentiments du capitalisme ainsi qu'Hard Romance » aux éditions du Seuil. Vous avez beaucoup réfléchi sur le couple contemporain. Pourquoi les couples échouent-ils selon vous ? D'abord, j'ai pas tellement traité de cette question de l'échec parce qu'il y a une dimension normative, si vous voulez, qui voudrait faire une distinction entre l'amour qui réussit et l'amour qui échoue. C'est pas une dimension sur laquelle j'aime beaucoup travailler. Mais puisque vous me posez la question, je vais quand même me la poser. D'abord, je voudrais faire une distinction entre les amours qui n'aboutissent pas et celles qui échouent. On a de très beaux exemples dans la culture européenne d'amours qui n'aboutissent vraiment pas, en tout cas qu'on n'identifierait pas aujourd'hui vraiment comme des amours qui sont consommés et vécus pleinement. Je peux penser à Dante et Béatrice, Dante au XIIIe siècle ou à Pétrarque au XIVe siècle, qui tous les deux rêvèrent pendant toute leur vie une femme qu'ils ont à peine entreaperçue ou à laquelle ils ont à peine parlé, donc en fait un fantôme, une femme morte, mais à laquelle ils consacrent toute leur vie. J'appellerais pas ça un amour qui a échoué, au contraire. C'est un amour qui a donné fruit à une très grande œuvre poétique. C'est un personnage qui, malgré sa mort, la femme morte accompagne de sa présence quasi divine l'amoureux, donc Dante ou Pétrarque. Donc je ne ferai pas du tout rentrer ça dans la catégorie des amours qui ont échoué. C'est-à-dire que la dimension de savoir si l'amour a été consommé ou non n'est pas pour moi une dimension de leur échec. On a de très belles histoires d'amour, comme au XVIIIe siècle, le très beau roman de Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse, qui a fait pleurer toute l'Europe. Ce roman aussi est un roman sur un amour qui n'a pas été consommé, mais qui était un grand amour, c'est-à-dire qu'on sait que Saint-Preux et Julie vivront toute leur vie avec le sentiment de l'amour de l'autre, même si les règles sociales n'ont pas pu les réunir. Donc j'exclus ça de ce que j'appellerais un amour qui échoue. Un amour qui a échoué doit remplir une condition fondamentale, c'est la condition du désillusionnement. Et pour continuer donc avec des exemples littéraires, je prendrai simplement deux exemples littéraires qui sont très connus. Du côté de chez Swann, donc le roman célèbre de Proust publié en 1913, et la phrase, peut-être la phrase la plus célèbre de Proust, pour vous rappeler, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, et qui n'était pas mon genre. Donc c'est ce que Swann dit de Odette, du Crécy, dont il était fou amoureux, mais après quelques années, il se rend compte que cette femme, en fait, pour qui il a failli mourir, n'était même pas son genre. Et là, je dirais que ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas, en quelque sorte, à ajuster son désir sexuel à l'appréciation et à la connaissance véritable de l'autre. Et donc là, on est dans un désillusionnement sur l'autre. Et je prendrai comme autre exemple Emma Bovary, qui elle aussi est dans la topic du désillusionnement. Donc Emma, qui est vraiment un caractère qui aurait été tragique si Flaubert ne s'était pas moqué d'elle autant. Mais Emma est quelqu'un qui ne se connaît pas elle-même, qui vit en fait dans l'illusion perpétuelle de ce qu'est l'amour, dans l'illusion de ce qu'elle est elle-même. Et elle échoue au moins trois fois. Elle échoue bien sûr avec Charles, qu'elle n'arrive pas à aimer, son mari donc, mais surtout avec Rodolphe et Léon, donc ce qui vont être les deux grands séducteurs qui vont essayer de la transporter en dehors de sa vie quotidienne qu'elle juge trop médiocre. Et elle ne voit pas que Rodolphe est un simple, je dirais, vil séducteur qui va l'abandonner relativement vite. Et elle ne voit pas non plus que Léon commence à s'ennuyer avec elle, précisément à cause de ses excès sentimentaux et émotionnels. Donc Emma est incapable finalement de comprendre pourquoi ça échoue. C'est le personnage qui est aveugle à elle-même pendant tout le roman. Dans ces deux cas, je dirais donc, on peut parler véritablement pour la première fois d'échec, puisqu'il y a une relation, et une relation qui s'achève par une forme de désillusionnement. On ne vend pas l'amour, on n'achète pas l'amour, l'amour est aveugle, l'amour est aveugle. On ne vend pas l'amour, on n'achète pas l'amour, l'amour est aveugle, l'amour est aveugle. Yep. Justement, Eva Illouz, parce que on se dit, notamment pour Madame Bovary, que cette femme est une femme contrainte. Et elle vit dans une société qui, pour toutes les raisons que l'on peut imaginer de manière quasiment évidente, ne la laisse pas faire ce qu'elle veut aujourd'hui. Comment expliquer qu'on ait à la fois la possibilité d'être plus libre dans notre vie amoureuse et pourtant que ça ne se passe pas mieux puisque les ratages amoureux n'ont jamais été aussi nombreux? C'est une excellente question, effectivement, j'y venais. Alors d'abord, selon les chiffres d'une chercheuse américaine, 85% de toutes les relations qui seront commencées, donc on ne parle pas de mariage, simplement de relations qui vont être entamées ou commencées, 85% vont se solder par une fin, à terme court, moyen ou long. Donc c'est un très grand nombre. Si la fin signale un échec, on peut dire que les relations amoureuses en tant que telles sont presque intrinsèquement vouées à l'échec. Alors, essayons de repérer quelques grandes raisons, quelques grands axes qui expliqueraient pourquoi ces relations se terminent, se soldent aussi souvent par une fin. La première chose, c'est qu'on essaye de cultiver au sein même d'une relation notre propre individualité. L'individualité, si vous voulez, c'est le fait de développer des goûts, des idées, des opinions, des manières de faire qui sont bien à soi. Il n'est plus légitime, ni pour les hommes ni pour les femmes, d'essayer de se confondre avec les opinions, les goûts de quelqu'un d'autre. Donc à partir du moment où l'individualité se conçoit de façon, atomisée, c'est-à-dire que c'est chaque individu qui est responsable de former sa propre individualité, sa propre singularité, à ce moment-là, nous avons donc deux êtres qui sont finalement très différents et qui doivent, au cours de leur vie, cultiver de plus en plus leur singularité et leur différence. Donc, au sein même du couple, on a mis en place un mécanisme qui va créer de l'autonomie, de l'autonomisation et de la singularisation même, je dirais, progressive. Première chose. Deuxième chose, je voudrais faire référence ici à un vocable que le sociologue Jean-Claude Kaufmann a utilisé, à mon avis, très judicieusement dans son livre qui porte le même nom. Ce sont les agacements. Alors, les agacements, qu'est-ce que c'est les agacements? C'est le fait qu'on n'utilise pas le monde des objets de la même façon. Or, nous vivons dans une société, n'oublions pas que la vie au XXe siècle se distingue fondamentalement de la vie des vies auparavant, par la démultiplication folle des objets de consommation. Et ces objets de consommation sont accompagnés d'une façon de les consommer. Or, ces façons de consommer, d'utiliser, de manipuler et de vivre les objets souvent génèrent de grandes tensions, ce que Kaufmann appelle des agacements. Ce sont des irritations qui sont dues au fait que nous ne utilisons pas les objets de la même façon et qui sont dues au fait que les objets structurent de plus en plus, forment, si vous voulez, la base inconsciente de notre vie quotidienne et de nos relations. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison... C'est-à-dire, Eva Illouz, excusez-moi, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que ces agacements et leur multiplication peuvent expliquer le plus grand nombre donc d'achèvements anticipés, je parle d'anticiper avant la mort de l'un des deux conjoints, des couples contemporains ? Alors, les agacements en soi ne constituent pas la raison pour la fin. Je suis en train de souligner des sources de tension. J'ai parlé de l'individualisation qui fait qu'on se perçoit de plus en plus comme différent de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, les agacements qui ont trait à la façon dont on traite les objets, dont on les voit. Tu n'as pas fermé la bouteille de Coca-Cola comme tu devrais parce que le gaz s'en échappe. Hein. Tu dois fermer plus fort la bouteille de Coca-Cola. C'est vrai que c'est désagréable le Coca sans bulle. Oui, ben voilà. Tu laisses tes demi-pommes dans le réfrigérateur et ça m'agace. C'est dégoûtant. Ces demi-pommes, c'est dégoûtant quand j'ouvre le réfrigérateur. C'est ça les agacements. Alors, la troisième source de tension qui me semble être très importante, c'est la sexualité, qui est d'ailleurs vue par les spécialistes du divorce comme une des causes principales de divorce. Alors là, il y a des tas de raisons très différentes. Il y a le fait que de plus en plus, on considère que être désirable sexuellement et être compétent sexuellement sont très importants pour avoir le sentiment que nos émotions, que notre relation émotionnelle soit avalisée en quelque sorte par cet échange sexuel. Or, très souvent, les gens ne se sentent pas compétents pour des raisons diverses. On ne se sent pas compétent parce que on ne sait pas vraiment quoi faire, on ne prend pas vraiment de plaisir. Il est possible que les énergies libidinales des deux partenaires ne soient pas partagées. Et ça va générer des tensions sur la question de savoir est-ce que je suis compétent et est-ce que je suis désirable. Et vous ajoutez à cela le fait que on sait, ça par contre on sait, il y a énormément de recherches qui montrent qu'après 2 ans, les 2 ans d'extase initiale, l'activité sexuelle des couples baisse et elle va ensuite aller en baissant au long des années. Ça arrive à zéro au bout de combien de temps ? Pardon ? Ça arrive à zéro au bout de combien de temps, Eva Illouz, puisque vous avez la courbe devant les yeux. Alors, pas à zéro, alors il n'y a que 30%. Epsilon. 30% des couples mariés qui n'ont plus de relations sexuelles. 70% ont encore des relations sexuelles, mais le plus souvent, beaucoup plus rare que ce n'était le cas au début. Or, tout ça, en soi, ça ne représente pas de problème. Ça représente un problème à partir du moment où nous vivons dans une culture qui sexualise fondamentalement et le moi et la relation romantique. Et qui, finalement, a créé dans la sexualité le moyen de reconnaître ou la preuve, je dirais, tangible que notre relation marche. Donc des relations où il y aurait un fort attachement émotionnel, mais pas de relation sexuelle intéressante ou pas de relation sexuelle du tout, seraient problématiques et sont interprétées très souvent par les partenaires comme, en fait, finalement, comme des relations qui ont des problèmes. On n'arrive plus à séparer vraiment l'émotionnel du sexuel. Or, on sait que le sexuel a une dynamique, une autonomie qui ne correspond pas forcément à la logique émotionnelle. Donc je dirais que la sexualité est une troisième source de grande tension. Et la quatrième, qui est banale mais il faut la dire, c'est qu'il y a une énorme tension aujourd'hui entre l'autonomie et l'attachement. Et les femmes et les hommes aussi se distinguent dans leurs compétences différentes. C'est stéréotypé, mais c'est stéréotypé seulement parce que la société stéréotype les hommes et les femmes. Les femmes veulent plus d'attachement, les hommes veulent plus d'autonomie, d'où tension autour de la question de savoir comment négocier la tension entre l'autonomie et l'attachement. Donc voilà, j'ai donné trois raisons qui sont une grande source de tension et donc souvent une source de séparation. Le fait qu'on cultive son individualité, ce que j'appelais les agacements, la sexualité et la tension entre l'autonomie et l'attachement qui ne correspond souvent pas à la version, à la vision féminine et masculine de ces idéaux. Only you can do make all this world seem right. Une dernière question, Eva Illouze. Madame Bovary devait trouver un conjoint, un amant, dans un cercle assez restreint. Aujourd'hui, on se dit qu'avec les sites de rencontres en ligne, eh bien, on a de plus en plus de possibilités de faire des rencontres, et des rencontres qui, a priori, nous conviennent. Qu'est-ce que ça a changé en matière d'échecs amoureux ? Pourquoi ce paradoxe, la multiplication donc des amoureuses et amoureux potentiels ne provoque pas un rallongement de la durée de vie des couples ? Alors c'est très intéressant la question que vous posez parce que effectivement ça, je dirais que ça nous mène même au cœur de la société capitaliste puisque il s'agit de la société de consommation est justifiée par le fait qu'elle nous donne beaucoup plus de choix. Or on sait de plus en plus en faisant des recherches sur le choix de consommation ainsi que sur le choix des partenaires, des conjoints, qu'avoir plus de choix ça ne rend pas la possibilité de choisir plus facile. Parce que les sites de rencontres, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils vous montrent beaucoup de partenaires possibles d'un coup, comme si c'était un marché visible, comme si on allait dans un supermarché et qu'on voyait toute la possibilité de boîtes de céréales qu'on pouvait acheter. Or, ce n'était pas le cas avant. Avant, on rencontrait une personne et puis 6 mois passaient, on rencontrait une autre personne. On ne pouvait pas visualiser l'ensemble des partenaires possibles. Ça encourage une mentalité économique, c'est-à-dire qu'on va essayer de comparer la valeur relative de chacun. Et on va essayer, évidemment, de maximiser notre choix en fonction. Ensuite, le fait qu'il y ait tellement de choix donne le sentiment que les personnes sont facilement interchangeables. Ça marche pas avec celle-là, je passe à une autre très facilement. Donc il y a un effet, je dirais, Kleenex. J'appellerais ça un effet Kleenex, c'est-à-dire qu'on jette très rapidement et très vite quelqu'un au premier moment désagréable, au premier moment où la personne fait quelque chose qu'on ne comprend pas. Ensuite, on sait, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de recherches en psychologie et du mariage et cognitive, la possibilité d'imaginer seulement des alternatives, même si ces alternatives sont pas forcément toujours réelles, mais la possibilité d'imaginer des alternatives contribue considérablement à nous éloigner de la relation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il s'agit du développement d'une forme nouvelle d'imagination. Madame Bovary, elle rêvait un chevalier sur un cheval blanc qui viendrait la sauver de sa vie médiocre. Aujourd'hui, elle rêverait de 100 chevaliers sur un cheval blanc. Donc, c'est différent. Si Rodolphe la quitte, Madame Bovary repartirait sur un site internet en se disant qu'elle va rencontrer un autre Rodolphe. Donc c'est l'imagination, si vous voulez, qui a changé. Et je dirais que finalement, aussi, cette quantité énorme de choix contribue aussi à une dévaluation des gens qu'on rencontre. On a le sentiment qu'on peut rencontrer toujours mieux. Et puisque on rencontre les gens, les partenaires possibles, presque en situation de marché, où ils sont exposés à notre regard comme s'ils étaient sur une étagère, et parce qu'on peut les comparer à d'autres qui sont, selon certains critères, objectivement plus réussis, ils ont un plus haut salaire ou où ils sont plus attirants physiquement. Donc, ça encourage une sorte de mentalité comparative et évaluative qui va tendre à souvent dévaluer beaucoup de gens. On va avoir moins la possibilité de comprendre et d'approcher une personne dans sa totalité, dans la totalité de son être. Merci beaucoup Eva Illouze. Je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'EHESS, professeure à l'université hébraïque. Vous avez notamment publié « Pourquoi l'amour fait mal ?»,« Les sentiments du capitalisme » et « Hard Romance » aux éditions du Seuil. Superfell a été piétiné à la production par Anaïs Isebaer, à la technique foirée par Jacques Hubert et gâchée à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.